facile d'être anti-nucléaire. C'est pas très facile d'être anti-nucléaire nulle part. Mais c'est pas très facile d'être anti-nucléaire en France parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et du coup, les répressions sont importantes, les surveillances sont pour le moins pesantes. Et voilà, c'est à mon avis un moment historique assez important qu'on vit en ce moment. C'est la possibilité de reconstruire un mouvement anti-nucléaire qui soit réellement puissant. Parce que de l'autre côté, il y a un vrai avancement pour essayer de prolonger les centrales. Et c'est le moment ou jamais de réussir à reconstruire ce mouvement. Donc il y a deux choses importantes. D'une part, je pense que le contexte politique qu'on vit en ce moment, avec l'état d'urgence et la dérive, le glissement autoritaire qu'on est en train de vivre, est propice à de la révolte et à la reconstruction d'un mouvement antinucléaire puissant. D'autre part, il y a aussi le fait qu'il y a un contexte international qui est assez favorable à ça. Donc j'ai fait une chanson en anglais. Alors vous excuserez, c'est mon anglais à moi, hein, mais je suis sûre que les anglophones le comprendront très bien. Voilà, ça s'appelle Nuclear SOS. Et c'est une chanson qui en fait est destinée à nos voisins et qui explique, je vous dis rapidement pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, ça dit voilà, les centrales nucléaires françaises sont en train d'être prolongées de façon déraisonnable, sans consultation démocratique. Ça représente un risque énorme. Ne laissez pas la France décider seule, protester depuis l'étranger contre la politique nucléaire française. En bref, aidez-nous. Dear neighbors, remember that clouds have no border. Any catastrophe could also damage your country. Our state, for some reason, is about to give a green light for a lifetime extension on several nuclear sites. 58 reactors and a billion risk factors. Dear neighbors, remember that clouds have no border. Can you hear this call of distress? It's a nuclear... Ici on est donc pas très loin de Bure et de Mandres-en-Barrois, ces deux petits villages dans la Meuse. De 80 habitants en moyenne et qui ont été choisis par l'ANDRA, donc l'établissement public de l'État qui gère les déchets radioactifs, pour un projet absolument monstrueux. Enfin, c'est un des plus grands projets industriels, on pourrait dire, si on, en montant et en ampleur, d'enfouissement de ces déchets. C'est à peu près l'équivalent du métro parisien qu'on creuse à 500 mètres sous terre pour aller enfouir donc les déchets qui sont nocifs pour plusieurs centaines de milliers d'années, voire millions d'années. Donc oui, ça fait 25 ans que des associations et des habitants se mobilisent contre ce projet. Au départ, ça a été un des sites qui ont été choisis. Il y en a eu plusieurs autres en France, mais qui ont été abandonnés parce que la résistance était trop forte. Mais ici, il n'y a pas grand monde et c'est une zone assez sinistrée économiquement. Donc, ils ont changé leur fusil d'épaule et ont proposé d'avoir la construction d'un laboratoire sans déchets. Donc les gens ont fini par accepter parce qu'il n'y a pas de boulot, que c'était quand même, bon, a priori, voilà, c'était juste une étude. Donc ça a endormi un petit peu les foules, c'est clair. Et bon, c'était un cheval de Troie. Et là, on est au stade, cette fois-ci, bah, c'est le vrai projet, c'est-à-dire volonté d'enfouir tous ces déchets à 500 mètres sous terre. Et ils ont commencé ces travaux par un défrichement du bois le jus, c'est un bois qui est à Mandres-en-Barrois et qui a commencé à la suite des 200 000 pas, c'est-à-dire une manifestation qui avait eu lieu des antinucléaires. Voilà. Et ça a été le départ d'une montée en puissance de la résistance ici, puisqu'il y a eu une occupation du bois qui a suivi pour empêcher la poursuite de ce défrichement. Qui était fait pour pouvoir faire des sondages en profondeur nécessaires pour déposer la demande d'autorisation de création de ce centre. Parce qu'en fait, pour le moment, ils n'ont pas du tout d'autorisation. Ils sont en train d'établir un dossier de milliers de pages pour essayer de démontrer la sûreté de ce site. Et donc, il faut qu'ils fassent des études préalables et notamment des sondages en profondeur. Là, c'est un site soi-disant argileux qui présente toutes les caractéristiques nécessaires, mais qui, il y a beaucoup de scientifiques, y compris nucléaires, qui seront là pendant le festival et qui ont déjà démontré depuis longtemps que ça ne présente absolument pas les garanties de sûreté et que d'ailleurs l'IRSN et l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, viennent de constater ça et ont dit à l'Embra, non, attendez, là vos études ne sont pas suffisantes, il va falloir que vous repreniez votre copie. L'avant-projet que vous avez déjà rédigé est loin de nous permettre d'être sûr que ça va marcher. Donc ce qui a été dit depuis 20 ans par les associations est confirmé par les autorités de contrôle. Donc bon, c'est plutôt bon signe pour nous. En tout cas, ce projet est loin d'aboutir et à mon avis, il n'aboutira pas parce que c'est une absurdité, franchement. C'est une très belle forêt, il y a une vallée de l'Ormanson en dessous qui est... Tout ça est assez protégé puisque justement en cours de procédure et assez récemment, l'État a la répertorié comme une zone naturelle d'inventaire faunistique et volatilité, enfin une ZNIEF, donc avec des espèces protégées au niveau européen. Donc ils étaient là en défrichant ce bois avec des grands tubes de métal pour aller forer ces profondeurs. Ça a été le début d'une occupation qui a été à la fois exaltante, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on s'est connus, on a habité dans ce bois, on a appris à vivre, j'allais dire, en continuité avec ce qui... il y a eu des moments absolument extraordinaires pendant ces 3 semaines d'occupation qui ont été suivies d'une expulsion très douloureuse, très pénible, qui a marqué beaucoup les esprits, qui nous ont aussi beaucoup soudés, indéfectiblement. Et cette expulsion a mobilisé beaucoup, parce que ça a fait beaucoup de bruit, cette expulsion. C'était quand ça ? C'était le 7 juillet 2016, donc l'année dernière. Et surtout que c'était en pleine procédure, je ne vous passe les détails, mais bon, la veille, il y avait une audience, on avait accepté un renvoi pour que l'Andra puisse préparer sa défense. Et puis finalement, ils nous ont expulsés le lendemain et c'était vraiment... Bon, après, il y a une militarisation de la zone qui a permis à l'Andra de commencer à construire un mur, mais toujours sans autorisation, parce qu'il n'y avait pas eu d'autorisation pour défricher, un mur en béton, d'un kilomètre de long, sur plus de 2 mètres de hauteur, et qui a été... qui était vraiment insupportable. Là, c'était, ça n'a fait que renforcer notre révolte et notre... détermination. Et donc, il y a une grande manif qui était prévue pour réoccuper le bois le 15 août. Et il y a eu tellement de monde, et puis je ne sais pas, il y a eu tellement de procédures aussi, beaucoup de procédures qui ont permis notamment d'obtenir une ordonnance en référé, demandant à l'Andra de cesser les travaux, parce qu'il n'y avait pas d'autorisation pour faire ce mur et ce défrichement. Donc avec obligation de remettre en état l'ensemble du bois. Et ça a été un coup d'arrêt quand même assez intéressant pour nous, puisque l'Andra était quand même désarçonnée sur un terrain légaliste qu'elle était censée... représentée puisque elle est l'État. Donc l'État qui enfreint la loi, ça commence à effectivement devenir un peu complexe pour eux. Et donc le 15 août, il n'y avait plus de gendarmes. Et donc on a pu rentrer dans ce bois et puis démolir ce mur. Voilà. Et donc ça a été un geste magnifique. Beaucoup de tags, d'une drôlerie, d'une intelligence géniale. Et puis surtout une occupation qui a recommencé et qui n'a pas cessé depuis. Donc c'est-à-dire que ça fait 1 an qu'on occupe ce bois, qu'on y vit. Qu'on y aime tout ce qu'on peut aimer. C'est un lieu magique, un lieu extraordinaire où vraiment c'est un plaisir de vivre. Alors on peut être expulsable à tout moment depuis avril, puisqu'il y a une audience, une procédure de Sven Lindström, un Finlandais, qui a permis de gagner beaucoup de temps, mais qui a fini par aboutir à une ordonnance d'expulsion. La forêt est bien défendue, il y a beaucoup de barricades, il y a beaucoup de et puis il y a pas mal d'habitants. Et puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui viendraient de très loin nous aider, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Et que ça donnerait une visibilité à cette lutte supplémentaire, comme ça l'a déjà été 7 juillet 2016, où en fait cette expulsion, c'est un peu comme à la ZAD, en fait, hein, l'opération César, etc. Bah, c'est vrai que ça donne une visibilité à une lutte qui est un peu, effectivement, à contre, même si c'est très désagréable, hein, enfin, c'est vraiment un choc, c'est quand même, ça peut effectivement aussi nous aider à renforcer la lutte. Il est très possible que, comme on le disait sur la ZAD l'année dernière, en octobre, il s'agite. Je leur souhaite. Enfin, ils n'ont pas les autorisations ni de défricher ni de faire les sondages. On a obtenu plusieurs décisions qui permettent effectivement d'imposer à l'ANDRA de faire une étude d'impact globale de son projet, notamment pour faire le sondage. Donc je pense qu'elle va avoir le plus grand mal à obtenir ces décisions, puisqu'on va les attaquer immédiatement et qu'on a des bonnes raisons de gagner. Et donc c'est pas fait, et je vois pas pourquoi elle expulserait un bois dont elle ne peut rien faire. Parce qu'il faudrait encore qu'elle militarise la zone pour éviter qu'on y rentre. Et si c'est pour rien y faire, je vois pas trop. À mon avis, elle le fera quand elle aura les autorisations. Ils ont déjà reporté le début de leur dépôt de dossier d'un an. Ah non, c'est pas assez. Ils sont loin d'être. Bon, mais après, voilà, j'en sais rien. Moi, je me suis beaucoup trompé. On doit s'attendre à l'expulsion. En tout cas, on a vécu tout l'hiver là-bas. Il y a jusqu'à moins 15 degrés. On est prêt à refaire un hiver dans ce bois. Et on est prêt à y rester autant que nécessaire. Il y a de plus en plus de très très belles cabanes dans les arbres au sol. Les barricades sont de plus en plus sophistiquées et profondes. Comme partout, comme à Valsusa, comme à, voilà, il y a effectivement plusieurs composantes qui sont absolument, sont vraiment très très différentes. Bon, il y a les associations protection de l'environnement qui sont sur un volet plus légaliste, mais qui évoluent, avec qui on travaille parfaitement bien ici à Bure et qui ont eu un rôle majeur parce qu'elles portent notamment les recours. Avec les habitants qui font aussi partie de ces recours, parce qu'il y a une résistance quand même d'habitants qui est loin d'être négligeable, même s'ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. Il y a effectivement, je ne sais pas comment on peut appeler les gravitantes, nous on les appelle les gravitantes, ceux qui viennent d'ailleurs, parfois de l'étranger, parfois très loin même. Il y a eu des Canadiens, des Finlandais, des Australiens, des Allemands bien sûr. Et puis des Français entre guillemets qui viennent et qui ont une approche plus peut-être politique, plus radicale, avec il y a de tout aussi, hein, il y a une écologie radicale, il y a aussi l'anarchie, oui, on va dire. C'est clair que c'est un élément crucial qui est un pont commun quand même assez important entre nous. Après, je pense que c'est les trois composantes habituelles un petit peu qu'on retrouve partout, mais qui sont... après, les agriculteurs, on les met dans les habitants, mais c'est vrai que c'est quand même une partie importante pour nous, puisqu'il y a quand même beaucoup de terres agricoles qui sont nécessaires pour l'ANDRA. Elle achète beaucoup de forêts, mais elle achète aussi beaucoup de terres agricoles. Et donc il y a un volet agricole et colonisation du territoire, comme on l'appelle, qui est assez important pour nous. Et même pour l'aide de matériel, de tracteurs, etc. C'est vrai que c'est important pour nous que le soutien de ces agriculteurs est crucial. Ouais. Ça se passe vraiment, franchement, ça se passe bien. Ça se passe même de mieux en mieux. Après, c'est vrai qu'il y a... Les gestes, il y a des gestes qui poussent les limites toujours un petit peu plus. Et plus la lutte est tendue, plus l'enjeu est colossal. Parce qu'ici, je pense que l'enjeu est énorme. Enfin, je veux dire, c'est 35 milliards le projet, c'est des déchets radioactifs. C'est l'état nucléaire. C'est-à-dire, c'est quand même... en France, ça, c'est quelque chose de très particulier. Hein. C'est un état dans l'état. Hein. Donc, on est face à un ennemi... qu'a à la fois des moyens illimités et qu'a tous les corps de l'État à son service. Donc il y a un ennemi colossal, mais qui fait aussi que peut-être aussi on arrive à s'entendre, même si le mode opératoire n'est pas forcément évident. Puis après, il y a aussi quelque chose d'important ici, c'est que pendant 25 ans, ils ont fait tout. Les manifs, les banderoles, la presse, tout ce qui est habituellement fait, les recours juridiques, les pétitions, ils ont fait un travail mais colossal, mais ça n'a pas marché. Donc il y a un moment où, comme ailleurs, on se rend compte que si on ne fait que ça, on participe à une petite musique de fond de la démocratie, entre guillemets, et qui n'empêche absolument pas le progrès de la destruction de se faire. Donc il y a un moment où il faut interposer son corps face à la machine. Et c'est ce qui se passe dans le bol de jus. Et les assos ont toujours soutenu à 100% cette occupation du bois et tout ce qui s'en est suivi. Donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je pense qu'on n'est pas absolument d'accord, dans le fond, sur l'enjeu plus profond. Mais ça n'empêche pas d'avancer ensemble. Je pense qu'à Valsusa, c'est pareil. Ils ne sont pas tous d'accord, mais ça n'empêche pas d'avancer. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Si je respire fort per qui, et tu respires fort per ya, segur que tomba, tomba, tomba, y es podrem a Alors, il y a effectivement beaucoup de gens qui ont loué ou acheté des maisons dans le coin, parce que d'abord, c'était une vérité de vivre ensemble, donc de construire ensemble autre chose que simplement une lutte antinucléaire. C'est faire de la boulangerie, du maraîchage, du théâtre, de la musique. Il y a beaucoup de gens qui s'installent pour ça. C'est une question qui se pose. Est-ce qu'on peut vivre selon ses désirs, comme on cherche à le faire ici, sans domination et sans être dominé en dehors d'une zone de lutte? C'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on le fait à l'endroit où c'est vraiment très pénible d'être surveillé par les flics sans arrêt et d'être... Mais en fait, ça a beaucoup de sens de le faire peut-être à l'endroit où le progrès de la destruction est le plus caricatural. Enfin, en tout cas, il se trouve qu'on s'est rencontrés ici et que... ça a du sens de le faire là. Voilà. Bon, après, bien sûr que si le projet ne se fait pas ici, il faut quand même lutter. Enfin, parce que c'est un vrai sujet, ça. Est-ce qu'il faut lutter contre le progrès de destruction pour vivre ce qu'on a envie de vivre? Je pense qu'on pourrait le faire n'importe où. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que arrêter ce projet, c'est quand même un très grand pas fait vers l'arrêt du nucléaire tout court. Parce que ce projet, ils en ont besoin pour pouvoir poursuivre la construction de centrales. Parce que ces centrales sont au bout de souffle, elles vont bientôt fermer. Et donc, s'ils veulent en reconstruire d'autres, eh bien, ils sont obligés vraiment de résoudre ce problème qu'ils n'ont jamais résolu, c'est-à-dire celui des déchets. Et s'ils n'ont pas de solution pérenne, ils ont déjà pris beaucoup de retard pour reconstruire ces centrales. On serait en bonne voie pour arrêter le nucléaire en France, en tout cas. Si tu sais.